Je me pose le tour d'un style, un mal à manquer sur le beat s'installe. Après un phénomène de mon passe une belle belle de foire. J'en du sens à mes mots pour moi de sens. Sont les murs radicales, sans nos contrôles, un son. Rap et culture représente la métropole de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud ensemble. Parce qu'on est plus fort que seul face à ces ordures. C'est R-A-2-G-A-M-U-2-F-I-L-O-M-I-C. Ragamuffin dans la partie C. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est le cas de donne ça? C'est Ragamuffin dans la dance, sol et pour pas aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est le cas de donne ça? C'est Ragamuffin dans la dance, sol. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est l'état te donne ça? C'est ragamuffin dans la dance hall et poupa aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est l'état te donne ça? C'est ragamuffin dans la dance hall. Sur le mic, Mike c'est qui là? C'est le malamon qui tu reconnais. Balance moi le rhythm selecta. Original Skyamix c'est ça. Bouge dans la salle, ça donne de la bobine. Sans redemande encore au sel. C'est qui plaque à morphine? DJ ne relâche jamais l'effort. Il faut animer la danse. Ouais. Tu peux compter sur nous. Non, y'aura pas d'ambulance. Peut-être ouais. De trois qui est pire relou. On prendra le mic à outrance. Dis-moi qui va nous arrêter. Ragamuffin sans manigance. Crois-moi, ce n'est pas prêt de changer. Non. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est l'état te donne ça? C'est ragamuffin dans la dance hall et poupa aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est l'état te donne ça? C'est ragamuffin dans la dance hall. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est l'état te donne ça? C'est ragamuffin dans la dance hall et poupa aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est l'état te donne ça? C'est ragamuffin dans la dance hall. Stop, poteau, pas de stress, n'est-ce pas? J'insiste, j'persiste sur la deux pro, sur la face B. J'm'invite à séparer, non séparer, de nous voir à pied dans les parages. Avec les frères, passe le temps à chercher les rires, c'est le déballage. De nos pensées les plus sincères, le mensonge banni, manie le mic sans frontières. Ta langue de bois, je te la scie, je te lâche, je te la tranche à la samouraï. Donne-moi mon katana, jamais connu la haine, c'est de la colère que je sens comme bagageux. J'avance avec ou sans sous, je laisse vos salles sans dessus dessous. J'apporte tard le soir vos villes pour partager mon son, c'est tout. Je donne du ragamuffin, man, sur du dancehall style. Je se teste tous les débiles qui se la jouent au bon man. Non, pas de bon man, c'est. Donne-moi la matière, peu importe le style, pas de barrière. Ma cycle mon équipe d'apporter les risques, t'en demande encore. On ne lâche pas le mic, MC, je le suis, je le règne, je le dis, je l'attends, je le vire. Ragamuffin, hey, hey, hey. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est l'état te donne ça? C'est ragamuffin dans la dance hall et poupa aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est l'état te donne ça? C'est ragamuffin dans la dance hall. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est l'état te donne ça? C'est ragamuffin dans la dance hall et poupa aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Comment c'est l'état te donne ça? C'est ragamuffin dans la dance hall. Original poupa sonic par la monkey setsu.